tu n'es plus qu'une ombre. Une ombre sur un mur. Hélas, les mots d'amour sont durs à rejoindre l'ombre. Déjà, tu n'es plus qu'une ombre. Je sais qu'ils ont des colombes et des fleurs dans les mains. L'été continuera demain sans pleurer, sans bombe. Rêver loin de l'hécatombe. Joindre l'ombre.